بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سؤال لديك يا أبا مهدي، ما هو الأشياء الثلاثة التي هي عنوان السعادة؟ Trois choses qui sont le titre du bonheur en ce moment. Chouk, sabr, l'estirpa, l'arsent. Remercier lors du bienfait. Patienter lors de l'épreuve. Et la demande de pardon en toute situation. Et plus qui plus est, bien sûr, après les péchés. Mais même s'il n'y a pas de péché, t'en as fait, tu ne t'es même pas rendu compte. Donc l'estirpa, à la kulli hal. عندك سؤال غير ما أخذ في الدرس. الشكر، le remerciement. بماذا يكون؟ Comment tu remercies؟ نعم، هذا هو. Le remerciement se fait d'abord par le cœur, par la langue, par les actes. C'est pas de dire je remercie par ta langue après tu fais rien. Ou de ressentir de la reconnaissance dans ton cœur et après ne pas agir. Le chouk, pour Allah, se recevoir. Et comment tu le remercies? En l'obéissant. Arzam et choukr, lillah, ta'atou, ou l'estikama. La plus grande forme de reconnaissance envers Allah, c'est son obéissance, son adoration, la droiture. Et la plus grande forme. La gratitude, c'est le contraire. Sa désobéissance. Les péchés. Vous réalisez les cas. Le plus grand. Hatta le kufr. Aslan, le kufr, bimana, adam et shukr. Le kufr, en fait, c'est. Peut être traduit également par. L'ingratitude. Comme a dit le hadith. Tilka sahabiya naskusmaha. قيس حينما أردت الخلع من زوجها قالت إني أخشى الكفر في الإسلام. Quand elle est partie voir le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم pour demander la séparation avec son mari, dont elle ne reprochait rien comme du comportement et religion, mais elle dit je crains le kufr, c'est-à-dire l'ingratitude dans la religion, du fait que cet homme-là, je ne pourrais lui rendre son droit car il ne me plaît pas. Wa qala an-nabiyyu sallam wa takfurna al-ashir. Parce qu'il a dit aux femmes tuksilna al-la'na wa takfurna al-ashir. Que vous, lorsqu'il a dit aux femmes, lorsqu'il a dit qu'elles étaient les créatures, enfin elles étaient parmi les plus nombreuses au feu, elle a demandé pourquoi. Elle a dit parce que vous maudissez beaucoup. Et vous êtes ingrate. Il a dit takfurna. Vous êtes ingrate dans la vie conjugale. Donc le kufr, il a dit marna hada. Ou le kafir, hada wa tamaman. Il est ingrat envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne veut pas l'adorer. Fa hada min ma'ani. Donc le choukr, non, se fait par le cœur, par la langue et par les actes. Et ce choukr n'a lieu que lors des bienfaits. Contrairement au hamd. Qui est la louange, qui a lieu dans le cœur et dans la langue, et qui a lieu en toute situation. Le choukr, lui, il a plus de moyens pour exprimer, mais ses situations sont moindres. Et le hamd est plus large dans les situations et moindre dans les moyens d'expression. Kama yokal. Taïeb. Donc là, on va poursuivre directement, Inch'Allah, là, on s'est arrêté hier. Donc, on avait pris I'alem, arshadakallahu li ta'ati. Anna al-hanafiyya ou al-hanifiyya millat Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlisan lahu ad-din. Kama qala ta'ala wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Ok, on avait pris cette partie-là, mais on n'avait pas pris l'explication, on s'était arrêté avant. Que Allah t'accorde la droiture pour son obéissance, ça on l'avait pris. Et que l'auteur ait dit que la Hanafiya, c'est la religion d'Ibrahim, que tu adores Allah seul en lui vouant un culte sincère. Comme Allah, dans le sens, il dit, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Fahuna, qu'on a écharih, qui est Shir Zayd al-Madkhali, rahimahullah ta'ala. أن الحنفية أي ملة السمحة ملة إبراهيم عليه السلام وين تعبد الله وحده مخلصا له الدين أي إذا سئلت ما هي الحنفية ملة إبراهيم فيكون الجواب هي عبارة الله وحده بصدق وإخلاص وثواب كما قال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. Là, il dit l'auteur, ou plutôt le commentateur, que là, avant cela, on avait déjà pris c'était quoi la Hanafiya. C'était quoi le Hanif? Man yu'id lana, ma ma'na le Hanif. C'est quoi le Hanif? La définition qu'on avait donnée, c'était pas celle-là. La définition qui est ma'roufa. Attends, c'est quoi? Al-mukbilu ala Allahi, wal-mu'alidu an ma siwa. Celui qui se consacre que à Allah, dans l'adoration, se détourne de tout autre que lui. Al-Hanif. Donc lui dit l'auteur, ou plutôt le commentateur, que c'est la religion pure, celle d'Ibrahim, que tu adores Allah seul, en toute sincérité. Que si jamais tu m'interrogeais qu'est-ce qu'est la Hanafiya, la religion d'Ibrahim, que la réponse soit c'est l'adoration d'Allah seul, avec véracité et sincérité et correction, comme Allah l'a dit, dans le sens, il dit, je n'ai été ordonné que d'adorer Allah sincèrement en lui vouant un culte sincère. On a visité pourquoi cette Hanafiya avait été attribuée à Ibrahim seul, alors que tous les prophètes kanu hunafa. Tous les prophètes et messagers étaient des hunafa. Donc pourquoi Ibrahim? Car comme le Mu'alliq le dit en bas du livre, dans ce qu'il rapporte de l'imam Al-Tabari, dans ce tafsir, Ibn Jarir, qu'en fait, Ibrahim a.s. est le seul qui a été désigné comme imam pour tout le monde jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire qu'il est avec des rites sans précédent et qui sont restés effectifs pour nous. Comme quoi, manasik et le hajj. Le manasik du hajj, comme on les fait actuellement là, c'est Ibrahim alayhi salam qui est venu avec. Maintenant, on ne dit pas qu'il n'y a pas de hajj avant lui. Mais tel que nous on le fait, c'est Ibrahim qui l'a apporté. Mathalan et le khitan, la circoncision, c'est Ibrahim alayhi salam qui est venu. Il l'a fait à 80 ans avec un outil de menuiserie, une scie ou une grosse lame. Non. Donc des choses, des emblèmes de l'islam qu'il a apporté et qui jusqu'à aujourd'hui sont toujours de vigueur. Il est le seul. Voilà pourquoi il a eu cette distinction par rapport aux autres. Alayhi salatu wa salam. Thumma qala ba'da hadha. Idhan فلابد أن تتوفر في العبادة شرطان المعلومان بالاستقراء وهما أن تكون العبادة ثوابا حتى تسمى عبادة شرعية فإن لم تكن ثوابا لا تسمى عبادة شرعية يترتب عليها ثواب ثانيا أن يكون العابد مخلصا بأن يرجو بعمله وجه الله والدار الآخرة فإذا اجتمع الشرطان في عبادة مشروعة مالية أو بدنية أو هما معا فالعبارة مقبولة لأن صاحبها من أهل التقوى الذين قال الله في حقهم إنما يتقبل الله من المتقين. Donc là il dit, on en déduit de cela que pour que l'adoration soit acceptée, elle doit être basée sur deux conditions primordiales, et cela par l'istikra. C'est quoi l'istikra? L'istikara, c'est ce qui a été déduit du texte. C'est-à-dire ce qui n'a pas un dalil sarih pour lui, comme un verset ou un hadith, tfaddal. Mais tu l'as déduit du texte. Tayyib, donne-moi un exemple de choses déduites des textes et qui sont incontestables et qui n'ont connu par tout salafi, même tout, à la base ça doit être connu par tout musulman, mais aujourd'hui ceux qui en font la, qui en sont les plus attentifs, ce sont les salafis, gens de la sunna. Donne-moi un fait très connu qui n'a pas de preuve en lui, qui définit des catégories, mais qui a été établi par l'istikra. Zid tawhid, c'est-à-dire aywa aqsam at-tawhid. Les catégories de tawhid, elles par exemple, elles n'ont pas, on n'a pas de hadith ou un verset qui dit at-tawhid thalatha anwa' rububiyya, uluhiyya, wasma wa sifat. On n'a pas de hadith qui le disent ou de verset. Mais comment on l'a déduit? Bilistikra ou tatabwa, dans les textes. Et ça également, ces deux shorts, deux conditions qu'on va citer là, elles n'ont pas un hadith ou une preuve qui dit par exemple bi ghayri hadhayn shartayn la tuqbal al-ibada mathalan. Sans ces deux conditions là, l'adoration n'est pas acceptée. On n'a rien qui nous le dit clairement, mais on l'a déduit des textes. Donc quelles sont ces deux conditions? La première, que l'adoration soit correcte pour qu'elle soit légiférée. Si elle n'est pas correcte, elle ne sera pas appelée adoration. Donc, tu n'en tireras aucune récompense. Ça, c'est tiré de quel hadith? Hadith Aïcha, Arsant. Man amila amalan lisa li radduna fa wa radd. Celui qui œuvre d'un acte n'étant pas de notre enseignement, cela est rejeté. Donc ce hadith nous démontre que tout ce que tu fais en religion doit avoir une preuve à l'appui, tirée de l'enseignement prophétique. Athani, que l'adoration soit vouée sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Que tu recherches par cela le visage d'Allah et l'au-delà. Et ça, عندك يا ابو مهدي ما هو الدليل من هذا الشرط c'est quoi la preuve de ces conditions? La condition que pour l'acceptation d'acte qu'il soit sincère pour Allah. نعبد الله مخلصا له الدين. نعم. Mais ce verset là te dit pas que si jamais ton adoration ce n'est pas sincère, elle n'est pas acceptée. Il y en a plein d'adillah, mais un en particulier qui est connu, que tu connais. Un hadith très connu que tout le monde connaît. Même chez les koufars, c'est l'expression qui a été dite. Mais elle vient de nous, les musulmans. Hadith Omar ibn Khattab, le premier hadith des Arba'in Nawawiyyah. أيوة إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Que les actes ne valent que par leur intention et que chacun est rétribué en fonction de son intention. Et les koufars le disent aussi. Les actes ne valent que par les intentions. On connaît ces deux. Donc ce hadith-là t'explique. Si jamais ton intention n'est pas sincère pour Allah, ton acte n'est pas valable. Et des fois, on n'a pas d'autres. On a d'autres. Donc ces deux conditions sont les conditions essentielles, primordiales, indispensables pour que l'action, l'œuvre soit acceptée. Naam. Donc il dit par la suite que si jamais ces deux conditions sont réunies dans une adoration légiférée, qu'elle soit celle qui soit liée au bien ou liée au corps ou les deux ensemble, alors l'adoration est acceptée. Car celui qui l'aura accompli fera partie des gens de la taqwa. Ce dont Allah SWT a dit, dans le sens que Allah n'accepte que des pieux. Innama yatakabbalallahu min al-muttaqin. Après il commenta le verset. Il dit, rahmatullah ta'ala, وقوله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإن هذه الآية بين الله فيها الحكمة من خلق الإنس والجن، ألا وهي العبادة بما تحمل كلمات العبادة من معنى، ومعنى إلا ليعبدون أي يوحدون الله عز وجل. فإذا وجد التوحيد فهو مفتاح القبول لقبول الطاعة كلها إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها. Il commente là le verset qui est dans le sens « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Que ce verset, Allah nous démontre, à travers ce verset, la sagesse, la cause de la création de l'homme et du djinn. C'est-à-dire, son adoration. Et tout ce qu'on comprend comme sens le mot « adoration ». La définition de l'adoration. Le meilleur qui a été fait. Non, Marcel. Man arrafa l'ibada bi al-ta'rif chez l'islam. L'adoration, non, c'est un mot d'ensemble qui regroupe tout ce que Allah aime et agrée comme parole ou acte apparent ou caché. Donc Allah spontanément nous a créé pour ça. Et bien sûr, à condition que les conditions de ces adorations soient respectées et que ces interdits soient délaissés. Que ces interdits soient délaissés. ثم قال وجاءت الآية بأسلوب الحصر والقصر بمعنى أن العبادة خاصة بالله عز وجل لا يتوجه بها إليه سواه وهو شامل جميع أنواع عبادتي الظاهرة والباطنة كما أسلفت. كما أن في الآية بيانا لحكمة من خلق عالم الإنس والجن الذين خلقهم الله وابتلاهم بالتكليف وبالتكاليف. Donc le verset est venu avec quoi? Avec une sous formule de restriction. C'est-à-dire que l'adoration n'est vouée que pour Allah. C'est ça qu'on veut dire par restriction. Ce que tu fais, le verset il a dit quoi? وَمَا خَرَقْتُ الْجِنَ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُ. Quand tu viens avec une négation, avant un istisna comme إِلَّا هَذَا يُفِيدُ الْحَصْرِ. Quand tu as une négation devant une exception, cela apporte un sens de limite, restriction. Par exemple, tu dis مَا دَرَبْتُ إِلَّا زَيْدًا وَمَا أَكْرَمْتُ إِلَّا زَيْدًا. Je n'ai honoré que Zayd, personne d'autre. Si tu avais dit أَكْرَمْتُ زَيْدًا, tu honorais Zayd, est-ce que cela empêche que tu honores autre que lui? Non. Mais quand tu es avec une négation et après adawat et istithna comme il est ou غير ذلك comme en langue arabe c'est connu, cela veut dire que la chose elle est exclusive pour ça. Wahid yakul ma nimtu illa sa'a. Je n'ai dormi que une heure. Pas deux heures, pas trois heures, une heure. Mais s'il dit nimtu sa'a, il te confirme qu'il a dormi une heure, mais cela ne veut pas dire qu'il n'a pas dormi plus que cela. Mais dans tout le temps qu'il a dormi, lui ne t'a cité qu'une heure. Ah mais si te dit ma nimtu illa sa'a, là c'est qu'il n'a dormi qu'une heure. Adahu. Donc le verset est venu avec cette forme-là pour démontrer que l'adoration n'est que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous a créé que pour ça, pas pour autre chose. Donc avec toutes les formes d'adoration, on en a cité alhamdulillah dans Usul Salatha, pour ne pas avoir besoin de les répéter ici, et qu'elles soient apparentes ou cachées. Et également ce verset, comme le Shir le dit, nous démontre que le djinn et l'homme sont mukallafoun. Ils sont sous les charges de la religion. Sur eux s'imposent les charges de la religion. Comme obligation et comme interdiction, voire les alika. ثم قال وفي مقدمة التكاليف الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. فلا تتم العبادة إلا بالولاء والبراء. ولاء لله بتوحيده جميع طاعته وبراء من الشرك وآله والخروص منه حتى يكون الإنسان متبعا للحنفية السمحة التي هي ملة إبراهيم عليه السلام، والتي أمر الله عز وجل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتبعها في قوله عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. فكل أتباع إبراهيم عليه الصلاة والسلام هم الحنفاء، أي الذين تركوا الشرك وأهله وأقبلوا على التوحيد وأهله، ثم أخذوا توحيدهم من كتاب ربهم وصحيح سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. Donc il dit, bien évidemment, parmi les priorités de ce taklif, qu'est-ce qu'il y a? L'obligation de tawhid et l'interdiction du shirk. Que l'adoration ne peut être complète si ce n'est avec l'alliance et le désaveu. L'alliance pour Allah par son tawhid et toute son obéissance. Et le désaveu du shirk de ces gens et de son éloigné, afin que l'on puisse qualifier la personne comme étant un hanif. Celui qui n'est pas comme ça n'est pas un hanif. Celui qui adore Allah seul, mais qui ne s'allie pas que pour lui, et qui ne sait pas désavouer des mouchriquins, ce n'est pas un hanif. Même, il peut être kafir, comme on l'a pris dans le sous salafa. Il s'allie à ceux que Allah déteste. Et que eux-mêmes détestent Allah, ils ne l'aiment pas, ils ne l'adorent pas. Cela peut te faire sortir de l'islam. Comme on le prendra, Inch'Allah, dans le waqid de l'islam. Inch'Allah. Donc cet homme n'est pas hanif, celui qui n'a pas ces choses-là, qui est la religion d'Ibrahim, celle dont Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné notre messager sallallahu alayhi wa sallam de la suivre, dans sa parole, dans le sens où il dit: ensuite nous t'avons révélé de suivre la religion d'Ibrahim, hanif, qui n'était point des mouchriquines, c'est-à-dire Ibrahim, n'était point des mouchriquines. Donc toute personne qui suit Ibrahim alayhi salatu wa sallam, c'est un hanif. C'est-à-dire ceux qui ont délaissé le shirk et ces gens, et qui se consacrent au tawhid et qui s'approchent de ces gens, et ont pris le tawhid, d'où ils ont pris le tawhid? Du Coran et de l'authentique de la sunna. Adam. Thumma qala al-mu'allif. Donc là, on reprend la parole de l'auteur, Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab. On revient dans le matin. Qal. Fa'idha arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi, fa'alam anna l'ibadata la tusamma ibadatan illa ma'a tawhid. كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. Donc si tu as su que Allah ne t'a créé que pour son adoration, alors sache que l'adoration n'est nommée adoration qu'avec le tawhid, si elle est basée sur le tawhid. Tout comme la salat n'est appelée salat que si elle est basée sur la purification, at-tahara. C'est un très bel exemple qu'il a donné, vraiment clair, limpide et très simple. Quel exemple pourrait mettre similaire à cela? El-Iman. La foi, el-Iman, ne peut être appelée Iman sans acte. Également. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Ils disent, moi dans mon cœur, je crois quoi, quoi. Si tu n'agis pas, tes prétentions ne servent à rien du tout. Car l'Iman, on a dit, c'est quoi? Parole de la langue, croyance du cœur, et acte des membres, et qu'elle monte, et qu'elle descend en fonction des adorations, obéissance ou désobéissance. Donc dans la foi, il y a les actes. Tout comme dans l'adoration, il y a le tawhid. Tout comme dans la salat, il y a le tahara. Sans ça, l'acte n'est pas valable. La salat n'est pas valable. Et la foi n'est pas valable. Si chacun perd un de ses piliers. Un de ses piliers. Naam. Donc l'auteur, il dit: wa kullu 'amalin yataqaddam bihi al-insanu ma'a faqd at-tawhid wal-wuqu' fi ash-shirk fala qimata ولا قيمة له ولا وزن له أبدا إذ لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. أما بدون توحيد فمهما قدم الإنسان مما صورته صورة العبادة كالصدقة والإقراض والسخاء والبذر والعفو والإحسان للناس وما شكل ذلك وهو فاقد للتوحيد فإنه داخل تحت قول الله عز وجل وقدمنا إلا ما عملوا من عمل فجعلناه حباء منثورا. Donc chaque acte que serait mené à faire, que viendra à faire l'insan, la personne sans tawhid et en tombant dans le shirk, alors cela n'a aucune valeur. Aucune valeur. Et aucun poids. Jamais. Car l'adoration ne peut être appelée comme adoration sans tawhid. Et quand sans tawhid, quoi qu'il fasse comme acte, et qu'il s'imagine même cet acte-là à l'apparence d'une adoration, comme il dit, comme par exemple, sadaqa, ou sadaqa, ou la dépense que tu ferais, fisabilillah, ou le pardon, ou la bienfaisance envers les gens, tout ce qui ressemble à cela, même la salat, même le hajj, s'il n'y a pas de tawhid, tout cela est vain et refusé. Et cela rentre dans la porte d'Allah dans le sens où il dit, et nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie, et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. Ce que tu fais comme acte sans tawhid, c'est de la poussière dans le vent. Ça part partout, mais ça ne va pas là où tu veux que ça aille. Aucune valeur. Wali'azu billah. Donc l'importance. L'importance de connaître le tawhid. Et qui n'est pas une chose, comme certains disent, qui s'apprend en une heure ou dix minutes. Sûrement pas. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'on appelle Rasul Salafa, a appelé cela à Mekka pendant combien de temps? Plus 13 ans. 13 ans. Et il n'a pas arrêté. On n'a pas dit qu'après il a arrêté, il a continué. Mais ça, le pilier de sa da'wa au début, 13 ans, tawhid. Et après, les emblèmes de l'islam sont venus parmi les rites et continuent comme appeler au tawhid. Et jusqu'à aujourd'hui, on doit appeler au tawhid. Jusqu'à là, hatta kum as-sa'a. On a donné le tawhid. Lazim. Sans tawhid, quoi que tu fasses, milliers de salats, elles ne sont pas acceptées. Tu dépenses des milliards d'euros ou de dollars, ce que tu veux, ce n'est pas accepté. Tu peux faire le hajj chaque année, toute ta vie, ça ne sera pas accepté. Tu peux faire une umrah toutes les semaines, elle ne sera pas acceptée. Ce que tu veux, c'est vain. Que de la fatigue et de la désillusion. Thumma qal. Idhan, fa asas al-ibarati tawhidu Allah azza wa jal. Wa kullama takarraba al-muwahhidu ila Allah bi'ibaratin. فهو يشملها هذا الاسم الشريف اسم العبادة التي تتجلى في الخضوع والانقياد والطاعة لله وحده والرهبة فيها عنده عز وجل والاستسلام التام لما كلف الله عز وجل به عالم الإنس والجن من فير الطاعة والترك المعاصي والتقرب إلى الله عز وجل بكل ما يرضيه. Il explique là donc le fondement de toute chose, de l'adoration, c'est le tawhid. Donc à chaque fois que le muwahhid c'est celui qu'est le tawhid. S'approche d'Allah avec une adoration et qu'il est muwahhid, alors cet acte est nommé adoration. Au sens propre du terme. Cette adoration qui elle-même est basée sur l'humilité devant Allah et la soumission. Et la convoitise, c'est-à-dire de sa récompense, de ce qui est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il se soumet totalement à ce que Allah lui a imposé parmi les hommes et les djinns comme acte d'adoration, d'obéissance et comme délaissement de désobéissance. Et d'accomplir tout ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. ثم ضرب المؤلف مثالا على أن العبارة لا تسمى عبارة إلا مع التوحيد بالصلاة التي لا تسمى صلاة حقيقية إلا مع الطهارة فإذا فقدت الطهارة وصل الإنسان 100 ركعات بدون طهارة أو ما ينوب منابها فإنه لا يسمى مصليا ولا يثاب ثواب المصلين بل يعاقب عقوبة على تركه الأعظم على تركه لأعظم الشرط من شروط الصلاة وهي الطهارة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقها لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الصلاة مفتاح صلاة الطهور فشبهها بباب مقفل قد أحكم إقفاله ولا يفتح هذا الباب والمقفل إلا بمفتاحه الحقيقي. Puisque que l'auteur donne un exemple pour l'adoration, qu'elle ne peut être noble adoration qu'avec le tawhid, comme ce fut le cas de la salat, sans purification. La salat telle qu'elle est, la vraie salat. Car si jamais il n'y a pas de tahara, que la personne fait même sans rakat, sans tahara, ça ne sert à rien. Il n'y a aucune récompense. Même, il en est châtié. Du moins, il en a quand même un péché. Il a commis un péché. Et on n'appelle pas Moussalli. On n'appelle pas Moussalli. Tout comme celui qui fait l'adoration sans tawhid, on l'appelle pas Abid. Il n'est pas appelé Abid. Il a commis un Mouahid. Donc cette salat, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que Allah n'accepte la salat, aucune salat, sans purification. Ni d'aumône venant du rouloul. Le rouloul, c'est qui a été pris du butin sans partage. Il y a d'autres sens, mais parmi les sens connus, ça. El Rouloul, c'est par exemple, des gens ont fait un combat, ils ont pris du butin, ce butin doit revenir à l'émir et lui partage. Et il partage. Et bien quelqu'un, il vient, le butin est là, il prend une part du butin sans que cela ne soit partagé. Ça s'appelle Rouloul. Donc s'il venait à faire une sadaqa de cet argent-là, Sadaqa serait refusé. Et dans l'autre hadith, il a dit sallallahu alayhi wa sallam que la clé de la salat, c'est la purification. Donc il a comparé la salat à une porte verrouillée et la clé pour l'ouvrir, c'est la purification. Donc il est de même pour l'ibada. Sa clé, c'est le tawhid. Donc là, on revient au matin, inshallah. قال المؤلف رحمه الله تعالى فإذا دخل الشرك في العبادة أفسدها كالحدث إذا دخل في الطهارة فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. L'auteur dit رحمه الله تعالى que si jamais le shirk est mélangé à l'adoration, il va la corrompre, tout comme l'impureté, c'est-à-dire le hadith, la chose qui annule la purification, si jamais elle se mélange à la purification. Par exemple, quelqu'un qui est tahir, qui a fait l'ozo, et qui après, par exemple, il a uriné, cet acte va corrompre ou va annuler sa purification pour la salat. Donc, si jamais tu as pris cela, que le shirk, si se mélange à l'adoration, il la corrompt, et qu'il rend l'œuvre vaine, et que celui qui la commet deviendra alors parmi les gens au feu éternellement, alors il faut que tu auras su que ce qui est le plus important pour toi à savoir, il se peut que Allah te débarrasse de ce filet qui est le shirk, celui dont Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens que certes Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, mais il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Et cela par la connaissance de quatre règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala cite dans son livre. انتهى المراد من المطر. قال الشارح رحمه الله تعالى فإذا دخل الشرك في العبادة أفسدها وأحبط العمل كما في قول الله تبارك وتعالى ولقد أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وحشاه أن يشرك ولكنه بيان لأمة أن تحذر الشرك بجميع صوره وأنواعه إذ منه الجلي ومنه الخفي ومنه ما يعلم ومنه ما قد يدخل على الشخص وهو لا يعلمه والعلاج في ذلك والوقاية من الشرك أن يبذل الإنسان جهده في طلب العلم والتوسع فيه وبالأخص علم العقيدة التي هي توحيد الله تبارك وتعالى وتحقيق هذا التوحيد والبراءة من الشرك وأهله ومعرفة صوره على وجهه التمام ليحضرها المسلم. Il dit que si le shirk justement rentre dans l'adoration, il la corrompt et l'œuvre devient, se voit annulée, comme Allah dans le sens où il dit que nous t'avons certes révélé ainsi qu'à ceux d'avant toi que si jamais tu venais associer, alors que tes œuvres seraient annulées et que tu serais du nombre des perdants. Dans ce verset, Allah SWT s'exprime à qui? Au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bien entendu, il est impossible qu'il fasse cela. D'accord? Les prophètes sont infaillibles du shirk, ils ne sont pas dans le shirk, c'est impossible. Donc pour te dire que si Allah SWT a dit cela à son messager, qu'il ne le fera jamais, donc cela est une leçon pour sa communauté. Pour qu'elle prenne garde du shirk, sous toutes ses formes, tous ces genres, car parmi le shirk, il y a celui qui est clair et celui qui est caché. Et celui que l'on connaît et celui qui le commet ne s'en rend même pas compte. Tu peux tomber dans le shirk sans même t'en rendre compte. Le remède à cela, et la protection quelle est-elle? Il a dit, c'est tout simplement que la personne dépense ses efforts dans la recherche de la science de façon détaillée, et tout particulièrement dans la aqida, dans la croyance, celle qui est le tawhid, et qu'il réalise justement ce tawhid avec le désaveu du shirk de ces gens et en connaissant toutes ses formes de façon complète, afin qu'ils prennent garde, que les musulmans prennent garde. Donc là, Tambi, ça démontre bien justement l'importance de Talab al-Ain. Et ça également, ça vient dans l'avocat de l'islam, que celui qui se détourne avec la possibilité d'apprendre, qui tombe dans les péchés, il n'est pas excusé. Celui qui a devant lui le moyen de savoir une chose, et qui s'en est détourné, qui n'a pas apprise, alors qu'elle était à portée de main, et que par la suite, en conséquence, il tombe dans le péché, péché ou shirk ou bid'a, alors qu'il aurait pu savoir, qu'il n'a pas voulu savoir, il n'est pas excusé celui-là. Et parmi les nawaqid, il y a l'i'rad al-tam, qui se détourne de façon totale de la religion. Ça va venir, Inch'Allah, qu'on fera dans le cadre de l'islam. Donc si demain, quelqu'un a accès à la science, il est obligé d'apprendre des choses qui lui sont obligatoires. Et al-aham alayhi hadha al-tawhid. Si demain, quelqu'un avait devant lui un savant qui enseigne, des toulab qui donne des durus, des prédicateurs qui appellent au tawhid, et lui, il ne s'en préoccupe pas, et après il tombe dans le shirk, il n'est pas excusé. Il aurait pu apprendre, il n'a pas voulu apprendre. Cette ignorance-là, il y a une ignorance qui est excusée, celle qui ne l'est pas. Intensive dans la mas'ala. Ce n'est pas toute ignorance qui est excusée. Ce n'est pas toute ignorance qui te rend également coupable. ثم قال ولقد بين مصنف رحمه الله تعالى انطلاقا من نصوص الكتاب والسنة أن صاحب الشرك الأكبر من أهل الخلود في النار ولا حظ له في رحمة الله ولا نصيب له في معرفته سبحانه وتعالى في مغفرته سبحانه وتعالى لأن رحمته ومغفرته خاصة بأهل التوحيد. Donc là, l'auteur, lui dit, le commentateur dit que l'auteur, rahimahullah ta'ala, se basant sur le texte du kitab de la sunnah, que celui qui commet du shirk akbar, majeur, fera partie des gens éternellement au feu. Bien sûr, celui qui meurt dessus, sans faire tawbah. Il n'a aucune part dans la miséricorde d'Allah, ni dans son pardon. Car cette miséricorde et ce pardon ne sont que pour les gens de Tawhid. C'est tout. Yom al-Qiyama, il n'y a pas de pardon, pas de rahma pour les kuffars. Voilà, Shay. Fi dunya, la rahma, tashmal al-kul. Il y a une rahma qui est khasse pour les mu'minin, il y a une rahma qui est âme pour toutes les makhloukat, même les animaux. Ama la maghfira, le pardon, il n'est que pour le mu'min. Fi dunya. Le kafir, rien ne lui pardonne tant qu'il est kafir. Mais fil yom al-qiyama, la rahma et le pardon se sont pour les croyants. Il n'y a plus de rahma pour le kafir. Fini. En ce bas monde, les koufas, ils ont des choses. Ils ont des biens, ils vivent, leur risque, il leur arrive des bonnes choses, ada rahma, ils ont des enfants, une descendance, des choses qui leur arrivent, cela en basé sur quoi? Sur la bonne action. Plus qu'à affirmer faire des bonnes actions, plus on tirera du risque en ce moment. L'avantage pour lui, c'est quoi en cette dunya? Yom al-Qiyama, ça ne vaut rien. Juste, comme on l'a expliqué, un amadrissement de son châtiment. C'est tout. Mais il sera dedans éternellement. Si Allah n'était pas rahim envers lui, du jour où il vient balir, il meurt. Et il va au feu directement. Et de sa rahma, il fait qu'il vit. Il voit la création, elle oboubille pour réfléchir. Il y a des muslims chez eux. Parmi les rahmas pour les koufars, il y a des muslims chez eux. Pour les éclairer, pour leur montrer. C'est le rahma, ils ne se rendent pas compte pour eux, c'est un azab, notre présence. Notre présence pour eux, c'est un châtiment. Ada azab rahmatun minallah. Vous ne savez même pas. Quand un père, son fils se convertit, pour lui, c'est la catastrophe. Mon fils s'est converti, quelle horreur. Eh bien, sache que c'est le rahma d'Allah pour toi. Ton fils s'est converti pour te montrer le message que toi-même, tu sois parmi les gens du paradis par la suite. Mais eux, ils ne veulent pas. Après, c'est Allah qui sait ce qui est dans les cœurs. Ou le père qui n'est pas droit, son fils devient salafi, par exemple. Il y en a pour qui c'est une honte. Mon fils, c'est un barbu en kamis. C'est une honte pour moi. Mais c'est une rahma pour toi, de ton Seigneur. Mais tu ne sais pas. وَلَكِنَ أَكْثَرَ النَّاسَ لَا يَعْلَمُونَ ثُمَّ قَالْ أَمَّا أَشِّرْكُ الْأَكْبَرُ فَهُوَ كَمَا صَمَّهُ الْمُصَنِّفُ شَبَكَةً مِنَ الشَّبَكَاتِ وشبكة من الشبكات التي هي التي إذا أصيد بها الإنسان والعذاب الله وقع في الهلاك ووقع في الشقاء فشقي في دنياه وهلك في دنياه وبرزخه وآخره وأخراه وفن وأخراه وحيث إن الأدلة كثيرة جدا على وجوب التوحيد والتذير من الشرك وبيان فضل التوحيد وبيان خطر الشرك وبيان عاقبة الموحدين وعاقبة المشركين. Donc après il dit que le shirk majeur, c'est celui comme l'auteur l'a décrit, c'est un filet, comme un réseau, un filet dans lequel tu t'empêtres. Shabaka, c'est un filet, un shabaka. Ça peut être un réseau, ça peut être un filet. Là ils sont de filet. Ça peut être un grillage, ça peut être des barrières. Lui, ce qu'il veut par là, c'est filet. Comme tu vois les poissons dans la mer, parce que les pêcheurs achètent les filets, le poisson est pris dedans. Après, c'est fini, il peut sortir. Ben, le chic, c'est pareil. Si jamais tu te fais attraper dans ce filet-là, alors tu es voué à la perte et au malheur en ce bas monde. Et également en cette dunya. Au malheur en ce bas monde et dans l'au-delà. Et même dans le balzar et dans l'au-delà. Et il dit que justement les preuves sont extrêmement nombreuses, démontrant l'obligation de tawhid et la prévention contre le shirk et l'éclaircissement sur la vertu du tawhid et le danger du shirk et l'éclaircissement sur la rétribution pour le muwahid et celle du mushrik. Le Coran est mali mun bihadil umur. Le Coran est dans les plans. Car à la base, comme vous l'expliquez, on a été créé pour ça. ثم كمل قال استدل المصنف بقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أي إن صاحب الشرك الأكبر خالد مخلد في النار ولا ينتظر مغفرة ولا يرجى له رحمة وما دون الشرك الأكبر فهو تحت المشيئة الإلهية إن شاء الله عز وجل عذب فعل الشرك الأصغر وكبائر الذنوب وإن شاء غفر الله لأنه والغفور الرحيم. Puis il cita que l'auteur prit en preuve la parole d'Allah dans le sens où il dit que certes Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, mais il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Que celui qui commet du shirk majeur, qui sera éternellement et éternisé au feu, qui n'a pas à attendre de pardon et qu'on n'a pas espéré pour lui de miséricorde. Par contre, ce qui est en dehors du shirk majeur, c'est-à-dire même le mineur ou les péchés ou autres, tout cela, tat el mashi'a, sous la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala, la volonté divine. Si Allah il veut, le châtie pour ses fautes. comme le shirk mineur ou les grands péchés. Et s'il veut, lui pardonne, car il est le Ghafour Rahim, le pardonneur et le miséricordieux. Azahu. Donc là, on a fini la Muqaddima de l'auteur, qui est une Muqaddima magnifique. Azima jiddan. Mufida jiddan. Celui qui médite ses sens en tire beaucoup de profit. Naam. Donc aujourd'hui, on a pris quoi? Que l'acte sans tawhid n'est pas accepté. En comparaison avec la salat sans tahara, elle n'est pas acceptée. Et que celui qui immerse le shirk akbar, qui sera éternellement au feu. Wali'adhu billah. Et que celui qui commet une action avec du shirk, son action est annulée. Et qu'il a comparé le shirk à un filet. Donc prendre garde à ne pas se faire prendre dans ce filet. Sans quoi ce serait le malheur en ce bas monde, dans le barzakh, l'intermédiaire, au fil akhirah dans l'au-delà. Et après cela, Inch'Allah, il a dit que l'auteur va définir les choses importantes à savoir par le biais de quatre règles. Vous prendrez Inch'Allah des durous qui arrivent. مفهوم هذا تمام فنكتفي بهذا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك